jusqu'au cache mon nez. Avant de ne plus transpirer. On les tord jusqu'au cache mon nez. Avant de ne plus transpirer. L'être humain a failli me dégoûter. Puis je l'ai rencontré. Unique la vie d'artiste, tu sais, je viens d'en bas. Les clicos, les grosses têtes et les rats se rappellent de moi. On a tout senti, t'as pas menti sur le bonheur de ma famille. Qu'est-ce que grand se rappelle de moi, car je suis plus dans moi. Moi je veux plus les voir, car depuis que je suis plus dans le noir, ego je vois. On les baisse pas par hasard, je veux être le prince de la ville. J'suis plus starry qu'un appui. J'te boufferai par la chatte. On a pris le rap et les kills. J'veux le monde, papa veut son nid. Tu connais pas l'animal dans le soir. Sortir le vent. Maintenant j'remplis des salles. Mais tu sais, ma vie me manque. Ma vie manque. On dit le temps. La vie devant. Y'a plus de grand. Grand pas. La vie devant toi. Ma mif me manque. C'est ça. Mais le vide me hante. Laisse-moi les. Laisse-moi le temps, laisse-moi les pendre. Oh, oh oui, j'combats mon mal. On est nda, on les baise même seul au monde. Zabi, zabi, j'suis pas normal. Les démons me font le mal. Je veux pas savoir quel est le moyen, tant qu'à les couilles, tous les moyens sont bons pour nourrir la mif. Toi lève ta patte comme un chien, sort d'animal, tonton traité quand j'irai le soir. Fatigué de tous ces soucis, je ressens comme une apesanteur. J'ai l'habitude de souffrir, jamais pour moi, mais pour les autres. J'porte ambition herculée. J'retrace ma vie, oh Dieu. Plus grand poète que j'ai vu dans la Bible. C'était si dur, mais j'ai toujours commencé par Bismillah et fini par Ami. Ouais. Parle trop, j'suis pas d'humeur. J'me sens gêné, demain j'prends le pif. D'un braco en moins d'une heure. Tous ces puristes d'MC me font rire dans la rue. J'les aurais grâle comme dans Pac-Man. Et j'suis sûr qu'à deux choix près, Nabil et moi on aurait pu prendre Panam. Au final, qu'est-ce qu'on devient quand on voit d'où on revient? On meurt, on se lève, on se bat, on se perd. Le cœur brûle, le cœur serre. Ma vie manque. No. laisse-moi répondre.